Le journal Le Quotidien nous apprenait une triste nouvelle la semaine passée, c'est que Victor Véraud, vous l'avez connu, on en parle régulièrement l'été, Victor Véraud est atteint de la maladie de Hodgkin, le même cancer que Mario Lemieux, Sakou Koivu et quelques autres athlètes. Et ça met en péril son année 2017. Question de savoir un peu, d'un, comment il se porte, de deux, comment il a pris ça, et de trois, sa saison est-il compromise, on lui parle. Salut Victor. Bonjour. Victor, d'abord, la première question que je te pose, comment ça va? Ben, ça va bien, là. Le moral est quand même pas pire bon, là. C'est sûr que c'est une nouvelle qui frappe, là, comme on pourrait dire. Mais je pense que ma famille et mes amis sont là. Puis ça va bien quand même là, pour le moral pour l'instant. OK. Comment tu t'en es aperçu? Ben, moi, au départ, je suis allé consulter pour un mal de gorge. OK. Puis c'était habituel, là, comme une personne normale. Puis j'arrivais à l'hôpital, puis là, c'était un stagiaire. Fait que lui, il m'a examiné comme il faut. Puis là, on a trouvé un ganglion au niveau de mon cou. Puis qui l'a inquiété. Puis là, on a réussi par trouver par la suite mon mal de gorge. Ça, c'était correct. On a trouvé la raison. C'était écarté. C'était seulement un médicament que je prenais le soir. Ouais. Puis par la suite, là, après qu'ils m'aient examiné, ils sont allés voir le médecin. Ils se sont parlé, lui, du stagiaire. Puis là, ils ont commencé à me faire des tests pour voir c'est quoi ce ganglion-là, pourquoi il était là. OK. Puis là, ils ont trouvé ça. Fait que là, ils n'ont pas su c'était quoi. J'ai passé 3 ou 4 jours à l'hôpital pour faire une couple de tests. Ensuite, ils m'ont fixé un rendez-vous pour prendre une biopsie de mon ganglion. OK. Puis comme il n'y avait pas assez de masse dans le cas de recueillir, ben ils n'ont pas pu donner un diagnostic. Fait que là, c'est là qu'ils ont. Là, ils ont décidé de faire une chirurgie d'un jour pour enlever le ganglion complet, puis là, vraiment savoir pourquoi il était là. OK. Mais tu n'avais pas de fatigue, tu n'avais rien d'autre que ce mal de gorge-là. Non, c'est en plein ça, j'ai aucun symptôme. Même encore présentement, là, il me demande toujours si j'ai des symptômes, puis je les ai pas encore ces symptômes-là. OK. Donc, ce que je peux voir, c'est que tu étais pris pas mal à temps. Oui, c'est ça, j'ai été chanceux. À date, là, on a été pris d'un début-début, là. C'était probablement à la phase 1, fait que c'était au tout début, là. OK. Donc, là, c'est quoi la suite des choses? Là, est-ce que ça veut dire que tu vas avoir des traitements de chimio, des traitements de radio? C'est quoi la suite dans ton cas? Ben, comme là, présentement, je suis à l'hôpital de Québec, là, je suis au OK. CHUM présentement. OK. Puis je passe encore une couple de tests, eux autres plus spécifiques, pour savoir s'il y a d'autres ganglions ailleurs, puis si c'est répandu ou ben si c'est seulement comme on le pense là, dans mon cou. Puis probablement, là, de ce que les médecins ont dit, là, je vais faire de la chimio pendant environ 2 à 3 mois. Puis il devrait être capable de faire partir ça avec 2 à 3 mois de chimio. Donc, ça veut dire que tu vas perdre un peu tes cheveux. Oui, je vais perdre ma belle coupe. OK, mais ça, c'est pas grave, ça repousse, ça. Oui, c'est ça. Mais toi, les premières réactions que tu as eues quand tu as entendu le mot cancer, ça fait peur. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça fait peur. Puis ben, je Ouais, m'attendais pas à ça. Personne ne pas à s'attend à ça, je tout. pense. Ouais. On pense pas que ça peut arriver à nous autres. Puis ben, en fin de compte, ben, c'était le cas, là. OK. Là, ta saison, il arrive quoi avec ta saison? C'est sûr que ta saison, c'est très secondaire, c'est la santé avant tout. Mais là, est-ce que tu vas complètement arrêter de t'entraîner pendant sa convalescence? Ça, c'est quoi qui va se passer avec toi, là? Ben là, présentement, là, je peux encore continuer à faire du sport un petit peu. Ça, je OK. vais en parler plus au médecin là, pour savoir l'entraînement, à quelle intensité que je vais pouvoir en faire. Mais pour l'entraînement puis tout, là, mais pour la saison présentement, là, tout est en break, là, juste content qu'on ait plus de nouvelles puis qu'on en sache plus sur ça, là. Mais de toute façon, c'est très secondaire, j'imagine, là-dessus, là. Oh, c'est ça, là, c'est la C'est. santé avant tout, là, c'est ça le Ouais. plus important. Pas de santé, là, c'est la santé avant tout. OK. Donc, j'imagine, t'avais-tu commencé, parce que je devais toujours faire une entrevue avec toi pour parler de la session, le côté hivernal. T'avais-tu commencé ta saison avant que tout Oui, ça j'avais arrive? commencé depuis presque mois de novembre, décembre, j'avais déjà commencé à m'entraîner en salle, puis au mois de OK. janvier, j'avais fait un camp en Californie. Ouais, puis comment ça avait été ce J'avais camp-là? bien été au bout, là. Tu sais, j'avais des bonnes sensations sur le vélo, puis je me sentais bien, là. Je pense que ça aurait été une bonne année pour moi. OK. Puis là, quand j'ai appris cette nouvelle-là, j'ai cancellé mon voyage à Victoria. OK, J'avais une c'est course, sûr. ma première Coupe Canada à Victoria, que j'ai été obligé d'annuler. Puis là aussi, ça va me faire manquer. Je partais dans le mois d'avril, je partais un mois, là, 2 semaines en Europe, puis 2 semaines aux États-Unis pour des compétitions, là. Fait que ça, c'est tout annulé aussi, là. OK. Mais dans le Ben, moi, ce fond, que je vise. ouais, dans le fond, c'est chiant ce qu'elle va dire là, mais t'es été chanceux dans ta malchance. Parce que si t'as pas ce maudit médicament-là qui te fait mal à la gorge, peut-être que le cancer, tu sais, il y en a beaucoup de monde qui ont le cancer et qui ne savent même pas. Peut-être que le cancer a le temps de se développer. T'étais chanceux dans ouais, le c'est champ. en plein ça. Moi, ouais, j'ai eu un cas spécial, mais j'ai été chanceux d'avoir toutes ces affaires-là qui ont coordonné pour faire qu'on le trouve rapidement de même. Là. OK. Puis tu t'es fait, tu me disais en dehors des ondes, tu t'es fait rassurer pas mal. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, en plus, là, quand j'ai su ça, c'était une nouvelle qui choque, là, Ben pour oui. compter sa fesse, là. Les deux, trois premiers jours, j'étais un Ben peu oui. moins là. Mettons, le moral était plus bas un peu. Puis, tu sais, j'en parle, j'ai checké un peu, j'en parle avec du monde, puis des connaissances, puis tout le monde, il y a en masse de monde qui m'encourage, je pense, là, qui me soutiennent. Ben Puis, oui. tu sais, je prends conscience aussi que j'ai eu un des moins pires cancers, là, que je pouvais avoir, dans le fond. Ben oui, ben oui, ben. Donc là, En plus, quelque j'imagine chose de stable, puis que tout, fait que. donc il n'y a pas de date de retour, il n'y a pas d'objectif. Si tu as la saison 2017, c'était pour la manquer, il n'y a rien là, tu recommenceras en 2018, puis c'est tout. C'est bien que tu vois ça. C'est en plein ça. Si je suis capable d'en faire un bout à la fin, ben pour le fun, ben je ferai le bout à la fin pour le fun, qu'il n'y a pas de Ouais. problème. C'est plate un peu parce que qui sait, tu aurais peut-être même pu. C'est sûr qu'on visait plus 2022 dans ton. Ouais, 2000, 2024 dans ton cas, c'est pas, c'est l'année passée, c'est l'an prochain, les Olympiques d'hiver. On visait plus 2024, mais c'était pas. Je me rappelle des Jeux du Four de ce monde, puis tout ça, il excluait pas la possibilité des Olympiques en 2020, là. Mais ça ne tardera pas en rien, là, dans le fond, Non, je pense pas que ça devrait être si pire que ça, là. Mais là. moi, surtout, ben, cette année, j'avais une grosse année à cause que j'étais junior, puis j'étais dans ma deuxième année junior. Ouais. Fait que là, j'aurais pu, tu sais, l'année passée, c'était mon année de transition, puis là, cette année, là, c'est là que je devais performer pour vrai. Fait que j'avais des grosses attentes, des gros objectifs, mais ça va être à remettre l'an prochain. OK. Ben, Victor, il me reste juste une chose à te dire. Merde, bonne chance, puis on va te suivre ta récupération, puis on va se prendre des nouvelles par les médias sociaux.